qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Je crois que j'ai déjà tout donné. Je voulais revenir en arrière, mais la porte est condamnée. Mon daron est fier de moi. Je vois le temps qui passe sur ses mains. Je pourrais jamais donner aux autres ce que j'ai pas donné aux miens. Cette ville est sale, ce monde est sale. Et combien seront là s'il faut qu'on s'arme? Dans la nuit j'ai tordu, tordu l'espace-temps. J'attends mais je sais plus, je sais plus ce que j'attends.